boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. From the dusty mesa, a looming shadow. En douceur ce soir pour attaquer notre pop and rock qui sera consacré aux triplettes des Black Keys à Frankie and the Witchfingers en passant par le Buddha's Band. C'est une soirée qui commencera, j'espère, agréablement pour vous. Et tout de suite, je confie les prochaines minutes de l'émission à Alice in Chains du temps du chanteur Lane Staley pour la première triplette. So there's problems in your life. That's fucked up. Dans Pop and Rock sur RVR. Lost my job and hungry. vous avez aimé, foncez sur YouTube et cherchez les sessions débranchées d'Alice in Chains. C'est là qu'ils sont les meilleurs. D'ailleurs, en parlant d'Unplugged, il faudra que je gratte pour voir si le groupe qui nous offre la prochaine triplette a été aussi capable de faire aussi fort que Lane Staley et ses potes. Deuxième triplette, les Black Keys. Like a star in the hollow rain. Parfois, la musique se suffit à elle-même, surtout quand elle est composée par la bande du Buddha's Band, plus collectif que groupe, qui en 2020 a sorti son dernier album constitué de 11 perles parmi lesquelles j'ai ressorti 3 titres. Troisième triplette du soir, The Buddha's Band. À partir de 17h sur Radio Val-de-Rhin, retrouvez Pop & Rock. We'll be right back. y a quelques années, j'ai trouvé par hasard Christine Hirsch qui avait invité un dénommé Michael Stipes, que vous connaissez, c'est le chanteur de R.E.M., pour la chanson You Ghost, duo à écouter sans aucune forme de modération. Quelques mois plus tard, je découvre que la Christine Hirsch est au cœur d'un groupe qui s'appelle The Thrilling Muses. Bah tiens, quatrième triplette. You're ne cherchez pas ailleurs Christine et ses copines, ce ne peut être que dans Pop & Rock sur RVR. Dédicace après cette triplette, dédicace à mon pote Steph, puisque c'est grâce à lui que j'ai découvert le groupe de Christine Hirsch. Par contre, le groupe suivant, notre dernière triplette du soir, j'ai eu la chance de la découvrir grâce au magazine Rock and Folk. Dernière triplette pour ce soir, Frankie and the Witchfingers. Allez, Pop'n'Rock, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et bis à tous.